Tonight, I'd like to talk about, first of all, the four guardian meditations that are traditionally practiced by yogis on retreat. When we're doing something important like this, it's important to have a secure environment. And these types of meditation are specifically recommended for being protective in various ways. Donc ce soir, je parlerai des quatre méditations protectrices. Les méditants sont toujours invités à commencer la retraite par l'écoute de cet enseignement à propos des quatre méditations protectrices. Ces quatre méditations vont leur amener la sécurité tout au long de leur cheminement. La première de ces méditations protectrices, c'est le souvenir des qualités du Bouddha. La deuxième, c'est Metta, la méditation sur l'amour bienveillant. La troisième de ces méditations, c'est le souvenir des parties du corps sous leur aspect répugnant. Et la quatrième, c'est le souvenir de la mort. Donc ces quatre méditations vont nous apporter la sécurité et la protection, chacune à leur façon, tout au long de notre cheminement vipassana. La première de ces méditations, le souvenir des qualités du Bouddha, nous la pratiquons déjà tous les matins. Donc, cette méditation, la première de ces méditations, le souvenir des qualités du Bouddha, va nous apporter beaucoup de bénéfices et nous sera très utile, surtout pour vaincre la peur. Il est possible qu'au cours de notre méditation, nous ayons des expériences qui font surgir la peur en nous. Par exemple, il est possible d'entendre toutes sortes de bruits inhabituels. Tout ceci peut faire surgir la peur. Et cette méditation sur les qualités du Bouddha va nous venir en aide, en ce sens que même si on ne la pratique pas très longtemps, ne fût-ce que quelques minutes par jour, nous aurons pris l'habitude d'y revenir constamment et spontanément, et ceci va nous aider à gérer la peur. Donc le matin, nous avons l'habitude de réciter tous ensemble les 9 qualités du Bouddha. Si vous êtes familiarisé avec cette méditation, vous pouvez très bien choisir parmi ces 9 qualités celle qui vous convient le mieux, avec laquelle vous vous sentez le plus d'affinité. Donc la première de ces qualités, c'est Bouddha. Ce terme, vous le connaissez déjà, mais donc je vais expliquer plus en détail en quoi consiste cette qualité de Bouddha. Donc ce mot Bouddha veut à la fois dire l'éveillé, mais également celui qui éveille les autres. Donc le Bouddha est une personne qui, avant sa dernière existence, a mené à leur accomplissement les perfections, les vertus. Et au moment donc de sa dernière existence, il a pu atteindre l'éveil, l'état de Bouddha, grâce à ces perfections qu'il avait menées à leur accomplissement. Donc, lorsqu'on parle de éveillé, un être éveillé, c'est quelqu'un qui s'est éveillé, réveillé des kilesa, des impuretés mentales. Et donc, cette personne a commencé par s'éveiller elle-même. Elle a atteint l'éveil grâce à ses perfections qui avaient été menées à leur aboutissement. Étant devenue un être éveillé, un Bouddha, cette personne s'est alors consacrée à permettre aux autres d'atteindre eux aussi cet état d'éveil. Il est donc devenu quelqu'un qui éveillait les autres. Et donc, c'est un peu comme si vous aviez là une équipe de personnes qui vont travailler ensemble. Eh bien, celui qui se réveille le premier va éveiller les autres. Donc, comment allons-nous pratiquer cette première méditation? Nous allons tout simplement réciter mentalement le terme éveillé, éveillé, éveillé. Et on répète ce terme pendant plusieurs minutes. On peut également utiliser le mot pali, Bouddha, Bouddha, Bouddha. Et si nous pratiquons ainsi, nous allons réussir à éradiquer les kilesas, les pollutions mentales de notre esprit. Nous allons commencer par le faire sur une base temporaire. Ensuite, lorsque notre pratique se sera développée, il est possible que nous réussissions à éradiquer définitivement ces pollutions mentales. Et donc, plus notre pratique se développe, plus nous allons comprendre et plus nous comprendrons, mieux nous saurons de quoi il s'agit. Nous comprendrons plus en profondeur ce que veut dire un être éveillé et s'éveiller soi-même. Il est possible que pour certaines personnes qui ne sont pas nées bouddhistes, qui ne sont pas des bouddhistes de tradition, ce soit difficile de pratiquer cette méditation sur les qualités du Bouddha. Ils peuvent alors très bien, au lieu de méditer sur les qualités du Bouddha, méditer sur les qualités de son enseignement, c'est-à-dire le Dhamma. La première qualité donc du Dhamma, c'est Svakato en pali. Et Svakato veut dire « bien exposé ». Le Dhamma du Bouddha est bien exposé. Une des significations de Svakato, bien exposé, c'est que cet enseignement est bon au début, est bon au milieu et est bon à la fin. Il est bon au début tout simplement parce que le simple fait d'entendre cet enseignement va calmer l'esprit, va nous inspirer. Et il est bon au milieu parce que lorsque notre pratique se sera un tant soit peu développée, que ce soit par samatha ou par vipassana, nous allons expérimenter la joie. Et il est bon à la fin, parce que lorsque la méditation, la pratique, aura atteint son accomplissement, nous expérimenterons la paix de Nibbana. Et donc, c'était une première façon de comprendre le mot svakato bien exposé. Une autre façon de comprendre cette expression, le Dhamma est bien exposé, c'est de se rendre compte que la pratique du Dhamma va nous amener la possibilité de nous libérer des kilesas, des pollutions mentales. Il faut savoir que si nous transgressons nos préceptes moraux, c'est toujours dû à un état d'esprit négatif qui se trouve dans notre mental. Et donc, nous allons pouvoir ainsi, petit à petit, nous débarrasser de toutes ces pollutions à quelque niveau que ce soit. Lorsqu'on prend les préceptes moraux, qu'on respecte Sila, on prend la décision de ne pas transgresser ces préceptes ni par la parole ni par le corps. Mais ceci ne veut pas dire que notre esprit soit libre des kilesas. Il y a encore toujours des pollutions dans l'esprit, même si on ne passe pas à l'étape suivante qui consiste à les concrétiser par un acte physique ou un acte vocal. Et par la concentration, qu'elle s'obtienne par vipassana ou par samatha, la concentration va nous permettre d'éradiquer ce deuxième niveau de kilesa, celles qui se manifestent uniquement dans l'esprit et qui sont appelées les pollutions obsessionnelles. Et il y a enfin un troisième niveau de pollution mentale, de kilesa, qu'on appelle les tendances, qui sont enfouies au plus profond de nous-mêmes et qui, pour se manifester, doivent en rencontrer les conditions. Il faut que les conditions soient là pour que ces tendances deviennent actives. Ces formes très subtiles de pollution mentale vont pouvoir être aussi éliminées par la connaissance, la sagesse. Et donc, c'est pour cette raison que le Dhamma du Bouddha est dit svakato, bien exposé. Il est bien exposé tout simplement parce qu'il va nous permettre de nous débarrasser de toutes les formes de kilesa, à commencer par les formes grossières, celles qui se manifestent extérieurement par un acte ou par une parole, et qui sont combattues par Sila, le premier enseignement du Bouddha. Bien ensuite, la concentration, le deuxième enseignement du Bouddha, qui va nous permettre d'éradiquer les kilesas, les impuretés qui se manifestent dans l'esprit uniquement. Et enfin, la compréhension, la sagesse. Le troisième entraînement du Bouddha va nous permettre de nous débarrasser des formes les plus subtiles de kilesa, celles qui sont latentes dans l'esprit. Et donc, les non-bouddhistes ne sont pas obligés de pratiquer cette méditation sur les qualités du Bouddha. Mais elle est cependant très recommandée. Et surtout, cette première qualité, svakato, bien exposée. Parce que si on médite sur cette qualité, cela va nous permettre de gérer correctement la peur. Donc, la deuxième méditation protectrice, c'est la méditation sur l'amour bienveillant, metta bhavana. Donc, on traduit metta par amour, Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour ordinaire, l'amour des membres de la famille entre eux, l'amour des parents, etc. Mais il y a un autre amour qui est beaucoup plus pur, qui est totalement pur. C'est donc l'amour altruiste, metta. Le premier type d'amour, celui qui concerne la famille, contient toujours un tant soit peu d'égoïsme, même si déjà il est souvent très pur. Le deuxième type d'amour, metta, l'amour altruiste, est totalement débarrassé de toute forme d'égoïsme. C'est une bienveillance tout à fait pure à l'égard des autres. Donc, je voudrais parler un petit peu des qualités de metta. Metta, c'est le contraire de dosa, la colère. On parle également de la non-haine. Donc, dosa, la colère, c'est un état d'esprit qui est décrit comme très sec, comme brûlant. Alors que metta, l'amour bienveillant, c'est une qualité d'humidité, de cohésion. Metta va assurer la cohésion entre les êtres. S'il n'y a que de la colère entre les êtres, ils ne resteront pas ensemble, ils ne resteront pas unis. Par contre, s'il y a metta, cette metta va assurer la cohésion entre les êtres. Donc, la fonction de metta, c'est d'assurer le bien-être des autres. Metta va se manifester comme quelque chose qui élimine tous les ennuis. Et voyons maintenant quelle est la cause pour metta, la cause prochaine pour metta, c'est de voir les qualités des autres, les qualités de la personne qu'on a en face de soi, la regarder sous son aspect positif. Donc si on a devant soi un groupe de personnes, ou un individu, un être que l'on n'aime pas, tout naturellement, spontanément, c'est la colère qui va se manifester dans notre esprit. C'est donc très intéressant de s'habituer à avoir metta dans l'esprit plutôt que la colère. Donc metta peut se pratiquer de diverses façons. On peut le faire comme on le fait tous les matins, en récitant le texte « Awirohomi », etc., ou alors, comme on le fait le soir, ou l'inverse, le soir c'est Awirohomi et le matin c'est puissais-je être libre de ceci et de cela. Donc on peut choisir la façon qui nous convient le mieux. Et donc, lorsqu'on pratique metta de façon générale, on doit envoyer des pensées positives à la totalité des êtres vivants. Donc Sayali explique qu'on souhaite à tous les êtres d'être libres du danger. Il y a deux dangers, deux ennemis, des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs. Les ennemis extérieurs, ce sont les ennemis qui sont très éloignés de nous. Les ennemis intérieurs sont les ennemis qui nous sont très proches. Alors Sayali demande, quel est le type d'ennemi que vous pensez être le plus dangereux? Donc, nous allons privilégier les ennemis intérieurs. Ils sont les plus dangereux. Car ces ennemis intérieurs vont nous faire commettre toutes sortes d'actes négatifs. Et nous avons tous dans notre esprit ces ennemis intérieurs. Il est donc très intéressant de vraiment souhaiter à tous les êtres d'être libres de ce type de danger, le danger que représentent les ennemis intérieurs. C'est l'essence même de metta. Une autre chose à laquelle nous pouvons réfléchir, c'est que si nous avons des négativités dans notre esprit, il est possible qu'on commette des actes négatifs. Et ces actes négatifs, nous allons les regretter. Nous aurons du regret pour avoir fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Mais nous allons également devoir subir les critiques et les reproches des autres. Le fait d'avoir commis des actes négatifs va également peut-être nous mener en justice. Nous serons peut-être condamnés. Pour ceux qui croient aux vies futures, il est possible également que cet acte négatif rende nos vies futures plus fragiles. en ce sens que nous pourrions reprendre naissance dans des plans inférieurs. Et donc, lorsque vous pratiquez la méditation sur l'amour bienveillant, vous devez essayer d'avoir toujours à l'esprit le bien-être de tous les êtres. Puissent tous les êtres être heureux et en paix. Et donc, essayez de faire surgir ce sentiment d'amabilité et de bienveillance à l'égard de tous les êtres de votre cœur. Et donc, pratiquer ceci, c'est vraiment une méditation protectrice. Donc, quelqu'un qui pratique souvent cette méditation sur l'amour bienveillant s'endormira facilement, il se réveillera facilement et agréablement, et il sera également protégé contre les armes. Ceci veut dire qu'à cause de son metta, il sera protégé. Donc, la troisième méditation protectrice est Asubha Bhavana. C'est la méditation sur l'aspect répugnant du corps. Donc, dans l'Abhidhamma, on décrit le corps comme étant fait de 32 parties. Il y a, par exemple, les cheveux, les poils, les ongles des mains, les ongles des pieds, la peau, et il y a également des organes internes. Au total, il y a 32 parties qui sont définies dans l'Abhidhamma. Donc, vous ne devez pas méditer sur ces 32 parties. Vous pouvez très bien vous contenter des 5 parties qui viennent d'être citées, c'est-à-dire les cheveux, les poils, les ongles, les dents et la peau. Donc, lorsque ces parties du corps sont assemblées, elles nous semblent attirantes. Mais si on les sépare et qu'on en fait des piles, par exemple une pile de cheveux, une pile de poils, une pile d'ongles, une pile de dents, une pile de peau, tout cela devient plutôt dégoûtant. Donc, les gens ont parfois de la difficulté à pratiquer cette méditation sur le caractère plutôt repoussant des parties du corps. Mais vous pouvez pratiquer cette méditation d'une autre façon. Par exemple, si vous êtes au restaurant et que vous voyez un cheveu dans votre assiette, vous êtes plutôt dégoûté. C'est une autre façon de pratiquer cette méditation. Et pourquoi devons-nous pratiquer cette méditation? Tout simplement parce qu'en la pratiquant, nous allons diminuer notre attirance pour notre propre corps. Et si nous sommes moins attirés par notre propre corps, automatiquement nous aurons moins d'attirance pour le corps des autres. Il est possible que lorsque la concentration se développe, le méditant fasse des expériences particulières, comme par exemple voir apparaître dans son esprit un homme ou une femme, une personne du sexe opposé. Il est possible alors qu'il se sente attiré. Si c'est quelqu'un qui a pratiqué Asubha Bhavana, la méditation sur le caractère repoussant du corps, il reste en son propre corps comme plutôt repoussant, il n'a pas tellement d'attirance pour ce corps, et ces corps qui lui apparaissent mentalement ne lui sembleront pas attirants. Donc cette pratique, Asubha Bhavana, la contemplation du caractère repoussant du corps, est très utile, non seulement en retraite, mais également pour les renonçants, les moines et les nonnes qui ont renoncé. Donc le but, lorsqu'on pratique la méditation, c'est de se purifier. Donc cette méditation participe à ce but. Nous allons petit à petit embellir notre esprit qui va devenir pur et beau. Donc, ceci ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faille pas se laver. Le Bouddha n'a jamais dit qu'il ne fallait pas se laver. Bien au contraire, il a recommandé à ses moines et à ses nonnes d'être propres physiquement. Donc, pour pratiquer cette méditation, il suffit de s'asseoir et de visualiser mentalement ces 5 parties dont il a été question précédemment. La quatrième méditation protectrice, c'est le souvenir de la mort. Donc, dès le moment où nous avons pris naissance, où nous sommes nés, nous devrons obligatoirement mourir. Donc, la mort est certaine, la maladie est certaine. Nous pouvons mourir à n'importe quel moment. Personne ne sait quand il mourra. C'est ainsi donc que nous devons réfléchir, que nous devons pratiquer cette méditation. Nous devons nous répéter régulièrement, la mort est certaine, la mort va sûrement se présenter. Ma vie se terminera par la mort. La mort est inévitable. Alors, le fait de réfléchir à la mort, c'est tout simplement s'entraîner à cette échéance. Nous devons nous habituer, nous entraîner à la possibilité de la mort à n'importe quel moment. Si nous ne réfléchissons pas au caractère inévitable de la mort, nous aurons sans doute des ennuis. Que pensez-vous qu'il vaut mieux, prévenir ou s'enfuir lorsque le danger est là? Donc, si nous avons affaire à un serpent venimeux qui s'approche de nous et que nous n'avons pas réfléchi au préalable à la façon dont nous pourrions nous en sortir, il est fort probable que nous ne puissions pas gérer correctement cette situation. Mais si nous avons déjà réfléchi à la façon dont nous allons réagir si nous devions nous trouver en face d'un serpent venimeux, c'est autre chose. Nous n'allons pas nous enfuir, mais nous allons au contraire réfléchir à la meilleure façon de nous sortir de danger. Nous pourrions par exemple prendre un bâton et essayer de chasser ce serpent ou quelque chose comme ça. Donc cette pratique sur la contemplation de la mort est très importante et très recommandée, car si on nie la mort, si on ne veut pas y penser, au moment où elle va se présenter, nous serons terrorisés et nous mourrons en état d'agitation, ce qui n'est pas bon. Si par contre nous avons réfléchi au caractère inévitable de la mort, que nous nous sommes préparés à cette échéance, nous serons en mesure de l'accepter au moment où elle se présentera et nous mourrons paisiblement. Donc Sayali explique que le fait de réfléchir ainsi à la mort va également nous permettre de faire face aux difficultés de la vie avec beaucoup plus de facilité. Nous serons en mesure d'accepter ce qui se présente sans trop nous énerver. Nous pourrons faire preuve de patience. Sayali explique qu'elle a elle-même eu un jour un problème de gorge et elle aurait pu tomber en état de panique, croyant que ça aurait pu la faire mourir. Mais étant donné qu'elle pratiquait cette méditation, elle a pu gérer correctement cette situation. Et donc, la pratique de ces quatre méditations protectrices nous sera tout particulièrement utile au cours de notre retraite, pendant la méditation. Elle va nous assurer une certaine protection et nous permettre de faire face à des situations qui seront parfois difficiles. Donc, d'un point de vue très pratique, vous pouvez pratiquer ces quatre méditations protectrices, soit le matin, à la première séance, soit au début de chaque séance. Vous pouvez leur consacrer 5 minutes en tout, ce qui veut dire 1 minute à chaque méditation. Vous pratiquez pendant 1 minute les qualités du Bouddha pour répéter mentalement Bouddho, Bouddho, éveillé, éveillé. Pendant 1 minute, vous pratiquez l'amour bienveillant en souhaitant à la totalité des êtres partout dans l'univers d'être heureux et en paix. Vous pratiquez pendant 1 minute la contemplation des 5 parties du corps sous leur aspect répugnant. Et vous pratiquez également le caractère inévitable de la mort. Vous vous répétez mentalement, la mort est certaine, je mourrai un jour, ma vie se terminera par la mort est inévitable. Donc vous devez essayer de pratiquer ainsi au total pendant 5 minutes, et ceci tous les jours. En plus de cela, le matin et le soir, nous pratiquons tous ensemble Metta. Puissiez-vous tous pratiquer la méditation Vipassana de façon paisible et réaliser des progrès dans la concentration et la compréhension. May you all be able to practice Vipassana peacefully, without disturbances, and realize the knowledge, the concentration on knowledge and freedom that you would like to realize. Sadhu, sadhu, sadhu.